Ils sont ma foi deux DJs espagnols, trans et progressif ce soir. Samy qui passera tout à l'heure au petit matin nous dire bonjour avec plutôt des nouveautés que des croissants et du café. Puis Abel Ramos qui attend comme nous peut-être l'arrivée d'Angidi, enfin pas trop parce qu'il a l'air ce soir le boucle de s'y plaire à cette soirée, soirée Goliathis. Vous pouvez faire des cassettes ou zapper jusqu'à 4h du matin. Scratch. Il connaît quand même le parfait manuel du bon DJ. Abel Ramos sur Couleur 3. Ce DJ Abel Ramos fait des choses incroyables, des vrais trucs de professionnels que je vous déconseille de faire chez vous, c'est important, ça peut paraître dangereux comme ça au premier abord. Il mixe à 18 vinyles et 14 platines. Abel Ramos encore pour un petit quart d'heure sur couleur 3, mais ce sera différent. Petite touche féminine, petite touche tessinoise, Angie D. Des fois, il est too much, ce DJ Abel Ramos, encore pendant quelques secondes sur Couleur 3. Il va tout nous casser. C'est un peu l'école Coolio, hein, gangsta rap, faut bien qu'il maîtrise le scratch. Voilà DJ Pure, tu sais ce qu'il te reste à faire pour épater la galerie. Faut scratcher, appelle Rameau, ça scratchait tout ce qu'il pouvait. J'espère que tu vas pas nous scratcher quand même, on JD, car on en a besoin pour le bon déroulement de cette soirée. Et pour vous dire à quel point c'est difficile de jouer pour elle, et bien quand on joue devant un public aussi énorme, c'est comme un peu une interro orale à l'école devant ses camarades. Il y a deux moments difficiles, c'est par exemple passer le premier ou passer après le meilleur élève de la classe. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour NGD, qui a l'air un peu comme ça déboussolé, voire stressé, mais c'est sûr, on lui mettra une bonne note à la fin. Pour écouter Goliath 10 en CD, il y a la compilation mixée par NGD, sinon il y a le live directement à la soirée. Voilà, Abel Rameau, c'est terminé. Vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires pour connaître un petit peu mieux ce DJ qui vient de nous quitter sur le site www.djabelrameau.com. Il y a aussi ses prochaines dates sur son site officiel. Ça présente l'heure, voire plutôt les 45 minutes, car il ne faut pas dépasser le temps imparti, n'est-ce pas, hein. Les 45 minutes dans le JD sur Couleur 3. C'est la mixeuse officielle de la compilation Goliath 10. Dire que c'est simplement une DJ très prise. Thank you. un morceau réalisé à l'hélium, une sélection d'Angidi, Goliath 10 et Couleur 3. Ce que l'on peut dire, c'est que Angidi, c'est plutôt fruité si vous aimez ce genre de son, et ce son qui lui adore les halles de 3000 mètres carrés. Il faut se faire plaisir, il faut acheter du Goliath produit dérivé, comme la compilation anniversaire mixée par Angidi. La prochaine compilation normalement de Goliath, c'est le live at Goliath. Il ne reste plus qu'à trouver le bon DJ.